Les participants à la 10e exposition internationale des livres scientifiques et techniques de Pyongyang ont visité le 28 courant Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung.